franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un acte politique au cœur du sport, celui de Tommy Smith et John Carlos sur le podium du 200 mètres des JO de Mexico en 1968. Cette année-là, 68, a été particulièrement riche en événements. Pour certains, elle évoque le souvenir des barricades et des usines ou des facs occupées à Paris. D'autres se souviennent de Prague, fin août, avec l'arrivée des chars soviétiques dans la capitale tchèque, ou bien encore de ces enfants au ventre arrondi mourant de faim, victimes d'une guerre civile au Biafra. Autant d'images devenues événements de l'histoire. Mais une autre a mis du temps à s'imposer dans nos mémoires. Une image sans mots, sans violence, celle de deux athlètes noirs américains levant le poing vers le ciel. Comme pour tout événement, on peut observer une image selon différents angles, se plonger dans ses différentes profondeurs de champ. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Tenter de comprendre l'histoire de cette scène exige d'être attentif à ce qui entre dans son champ, bien sûr, ses détails, sa mise en scène et ses symboles. Dans son contre-champ, le stade, les huées, les sifflets, les réactions du monde olympique, les répercussions contre les médaillés et enfin dans son hors-champ géographique et temporel. Par ce geste, Tommy Smith et John Carlos sont devenus des acteurs reconnus d'une histoire plus longue dont ils étaient les héritiers, celle de la lutte pour les droits civiques, de la longue marche vers l'égalité des droits entre noirs et blancs qui a repris en 1955 à Montgomery quand le 1er décembre, Rosa Parks refusa de céder sa place dans le bus à un voyageur blanc. 13 ans plus tard, Smith et Carlos, eux aussi, refusèrent de se taire, autrement dit de faire, comme avant. Pour parler de ces jeux et de l'impact de cet acte, nous recevrons en seconde partie Roger Bambuc, athlète français, ancien recordman du monde du 100 mètres et du 4x100 mètres, 8 fois champion de France, 2 fois champion d'Europe. Les Jeux de Mexico seront sa dernière compétition. Il y reviendra avec la médaille de bronze du relais 4x100 mètres. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Valérie Bourg, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Enzo Labori. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Mexico, 12 octobre 1968. Pendant trois semaines, les horloges du monde se règlent sur le faisceau haut, comme Olympiade. Les Jeux Olympiques ont cette force d'arrêter le temps et même les saisons. Cette année-là, c'est au début de l'automne que nous avons suivi ces Jeux d'été. En France, nous avons rajouté 7 heures à nos montres pour ne pas rater les exploits de nos champions partis au Mexique. Devant la télévision, attablés autour du poste de radio, à distance, nous avions le souffle coupé en vivant les épreuves des athlètes. C'est le cas dans la nuit du 16 au 17 octobre, où à la surprise générale, une petite Française du nom de Colette Besson vole le titre olympique du 400 mètres à la Britannique Lillian Borde en 52 secondes et 3 centièmes. Un peu moins d'une minute pour entrer dans la cour des grands, ceux dont on garde le nom et le souvenir toute une vie. Mais lors de cette même journée, un autre événement va marquer le temps. Il fait déjà nuit en France quand une autre course, celle du 200 mètres masculin, débute. 8 hommes entrent en piste. Parmi eux, deux favoris, les Américains John Carlos et Tommy Smith, qui ont couru cette année en moins de 20 secondes. Aux côtés de ces géants du sprint se glisse un Français, Roger Bambuc. Malheureux sur le 100 mètres, dont il finit 5e, on espère qu'il pourra atteindre le podium du 200 mètres. Les 8 hommes s'avancent et se positionnent. Le stade est plein, rempli de mille couleurs, de drapeaux, de corps et de tenues. Tous attendent le départ. Et voilà, cette fois le départ était bon, avec Bambuc qui a pris, à mon sens, alors cette fois, un excellent départ, contrairement à ce qu'il avait fait sur 100 mètres. Et à la sortie du virage, les Américains parviennent néanmoins à dépasser le Français. Et c'est Tommy Smith qui se fait remonter maintenant par Carlos. Premier Carlos, deuxième Tommy Smith, troisième Norman, quatrième le Jamaïcain Robert, cinquième Bambuc et sixième l'Allemand Eigener. Si vous avez entendu un bruit, ne vous inquiétez pas, c'est un cinéaste américain qui a tout simplement laissé tomber sa caméra sur ma tête pendant que je décrivais la ligne droite où Carlos est sorti de façon absolument irrésistible pour remporter cette magnifique finale. Alors que les deux Américains se congratulent et que Smith, oui c'est Smith, c'est Suisse qui a gagné ou c'est Carlos? Suisse. C'est Suisse, oui. Suisse. Et puis je vais vous dire tout de suite ce qui m'a trompé. J'avais repéré les chaussettes. J'ai repéré les chaussettes des deux athlètes, puis en définitive, ils avaient mis, dans les 10 finales, n'avaient pas mis la main. Attention, nous revoyons maintenant sur notre écran la course au ralenti. On voit Carlos qui est en tête. Après 15 secondes de course, on arrête la caméra et on voit alors Suisse qui produit l'effort le tout dernier et qui bat Carlos. Et puis on voit le retour de Norman qui termine troisième. Norman qui vient finir même très près, très très près. On peut même se demander si Norman n'est pas deuxième. Et si, Norman chipe la seconde place. Smith lui remporte l'or en 19 secondes, 83, record du monde battu. Et c'est John Carlos qui obtient le bronze avec un chrono de 20 secondes et 10 centièmes. Sur la piste, les journalistes tentent d'obtenir la première réaction du nouveau champion olympique. Il pose pour les photographes, mais il se tait. Peut-être préfère-t-il attendre la cérémonie des médailles. À la sortie des vestiaires, journalistes et spectateurs voient arriver les deux Américains sans chaussures, avec un collier de perles autour du cou. Les plus attentifs remarquent également un badge épinglé sur leur veste où l'on peut lire « Olympic Project for Human Rights ». L'Australien Peter Norman, médaillé d'argent, lui aussi a accroché ce macaron sur sa veste. Les officiels se rapprochent, félicitent les champions, transmettent les médailles, puis s'écartent. Les trois hommes pivotent alors d'un quart de tour sur leur droite en direction des drapeaux. L'hymne américain débute. Premier et champion olympique, Tommy Smith, États-Unis. 19 secondes, 8 dixièmes. Dès les premières notes du Star Spangled Banner, Tommy Smith et John Carlos baissent la tête et lèvent chacun un point ganté de noir. Smith le droit, Carlos le gauche. Alors qu'on entend au loin des cris de singes dans les tribunes, les journalistes s'interrogent. Que font-ils? Pourquoi ce point? Quelle fut la réaction des autorités olympiques et américaines? Quelles ont été les conséquences pour ces deux athlètes? Bref, quelle est l'histoire de ces points levés? En quelques minutes, devant des millions de téléspectateurs dans le monde, Tommy Smith et John Carlos prennent en silence le relais d'une course entamée il y a bien longtemps aux États-Unis, celle de la lutte contre les ségrégations raciales. Pour Smith et Carlos, tout a commencé un an avant les Jeux en 1967. Trouble I see, nobody knows my sorrow, nobody knows the trouble I see, glory hallelujah. My name is Tommy Smith. I am 22 years of age. As you see, I'm not a singer. Je m'appelle Tommy Smith. J'ai 23 ans, je ne suis ni chanteur ni pianiste, mais étudiant et sprinter. Je voudrais vous présenter mon entraîneur, Bud Winter. Tommy est trop modeste pour vous le dire, mais c'est sans doute le plus grand sprinter de tous les temps. En 1966, il a battu 5 records du monde, le plus sensationnel des 5 étant ses 19 secondes 5 dixièmes sur 200 mètres ligne droite, performance qui battait de 5 dixièmes le record de Dave Syme. Nous avons là un autre grand sprinter, Lee Evans. Jamais Tommy Smith et lui ne se sont rencontrés. Mais le jour où cela arrivera... Juin 1967, c'est à la télé, pour l'émission Les coulisses de l'exploit, que les Français découvrent un jeune athlète américain de 23 ans, recordman du monde des 200 et 400 mètres, du nom de Tommy Smith. L'objet de la rencontre avec les journalistes de l'ORTF, le sport et les futurs exploits de la star des pistes américaines. Pendant une quinzaine de minutes, on le découvre auprès de son entraîneur Bud Winter et dans sa ville de San José, où il s'entraîne et étudie. Un reportage sportif où l'on observe le corps et un peu moins l'esprit, car sur sa vie, on ne sait rien. Toby est le septième enfant de la famille Smith qui en compte 12. Né un jour J, celui du débarquement des Alliés en Normandie, il passe son enfance au Texas, où son père est ouvrier agricole dans un champ de Compto. Repéré grâce à ses aptitudes physiques, il quitte le cocon familial et s'éloigne de sa classe sociale. Grâce à Bud Winter, il remporte tout et devient l'étoile montante du sprint américain. À San José, Tommy ne court pas seulement, il étudie également avec le professeur Harry Edwards. Sociologue, noir, cet homme est l'une des figures intellectuelles de l'université. À l'automne 67, il lance un mouvement intitulé « Olympic Project for Human Rights », dont Tommy Smith et Lee Evans deviennent des porte-voix. L'objectif est simple, profiter du contexte olympique pour protester contre la ségrégation raciale aux États-Unis, mais aussi dans le monde, comme par exemple en Afrique du Sud. Les entretiens avec Smith deviennent politiques et il dit « Sur la piste, vous êtes Tommy Smith, l'homme le plus rapide du monde. Mais une fois dans les vestiaires, vous n'êtes qu'un sale nègre. » En quelques semaines, plusieurs athlètes américains de premier rang, dont Jim Hines, Willie Davenport ou Lee Calhoun, entrent dans la danse. Tous se disent même prêts à boycotter les Jeux pour mettre en lumière la situation des Noirs, qui n'évolue pas. En novembre 67, l'affaire prend de l'ampleur, si bien que le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Mexico, Pedro Ramirez Vázquez, doit réagir lors de son passage en Europe. Est-ce que vous avez déjà pris contact avec le comité olympique nord-américain au sujet de la prise de position de certains athlètes noirs américains qui ne veulent pas participer aux Jeux olympiques de Mexico? En effet, j'ai appris cette nouvelle en arrivant aujourd'hui à l'aéroport. Et je ne me suis pas encore entretenue, je n'ai échangé aucun commentaire à ce sujet, ni avec le comité olympique des États-Unis, ni avec le président du comité olympique international. D'après ce que nous avons su, il s'agit d'une nouvelle qui affecte une ville seulement des États-Unis et un certain groupe d'étudiants, de certaines personnes. Il ne s'agit pas encore d'une nouvelle officielle. Le lendemain, le 26 novembre 1967, c'est dans les pages du quotidien sportif français L'Équipe que Tommy Smith réaffirme sa détermination. Il se dit prêt à abandonner l'athlétisme si cela devait servir la cause. Dans cette interview, il explique « Pendant longtemps, seul l'athlétisme et les compétitions comptaient dans mon existence. Mais il y a 2 ans, j'ai réalisé qu'il y avait un grave problème que j'avais négligé et qui me concernait directement. » L'année 1965 est effectivement riche en événements. En août, c'est la ville de Watts qui fait la une dans le monde entier. Une altercation entre une famille afro-américaine et la police déclenche 6 jours d'émeutes raciales. Bilan, 34 morts, 4000 arrestations et un couvre-feu. 1 an après la signature par le président Johnson du Civil Rights Act et quelques jours après la ratification de la fin des restrictions au droit de vote des Noirs sur tout le territoire, la marche contre les ségrégations raciales aux États-Unis est loin d'être terminée. La lutte se poursuit de façon diverse selon les lieux géographiques et les espaces sociaux. Du terrain juridique, la lutte se déplace vers des revendications identitaires et sociales. Parmi ces nouveaux terrains de combat, on retrouve le sport, dont le mouvement Olympic Project for Human Rights est le plus symbolique. En décembre 67, ce mouvement reçoit un soutien de poids. L'une des plus importantes figures de la lutte des droits civiques, le pasteur Martin Luther King, approuve officiellement lors d'une conférence la démarche des athlètes noirs de boycotter les JO de Mexico. Il annonce leur refus de participer à des compétitions avec la délégation d'Afrique du Sud, pour cause d'apartheid, bien sûr. Après le soutien du pasteur King, c'est tout un continent qui menace lui aussi de boycotter les Jeux de Mexico. Quelques semaines plus tard, en février 1968, 32 pays du Conseil supérieur africain annoncent leur refus de participer aux Jeux si l'Afrique du Sud est présente. En quelques mois, l'appel du professeur de sociologie Harry Edwards menace la bonne conduite des JO de Mexico. Alors, le CIO va-t-il céder? Après de vagues hésitations et des négociations entre différents comités olympiques, l'Afrique du Sud est exclue officiellement le 23 avril 1968. Une victoire que le pasteur Martin Luther King ne verra pas. Quelques semaines avant cette annonce, il est assassiné en fin d'après-midi alors qu'il discute au balcon d'un motel à Memphis, Tennessee. La veille, le 3 avril 1968, il prononçait ces mots. Nous avons vécu des jours difficiles, mais cela ne me trouble plus aujourd'hui, parce que j'ai atteint le sommet de la montagne. Peu m'importe. Comme tout le monde, j'aimerais vivre une longue vie. La longévité a de l'importance. Mais je ne suis plus concerné par cela maintenant. Je veux juste accomplir la volonté de Dieu. Et il m'a permis de rejoindre le haut de la montagne. Et j'ai pu voir au-delà. Et j'ai vu la terre promise. Je n'y arriverai peut-être pas avec vous, mais je veux que vous sachiez ce soir que nous, en tant que peuple, nous rejoindrons la terre promise. Je suis heureux ce soir. Je ne suis pas du tout inquiet. Je n'ai peur d'aucun homme. Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. Comme le disait King, la marche contre la ségrégation est encore longue. Le pasteur et Malcolm X assassinés, ce sont d'autres figures qui poursuivent la lutte. Parmi ces mouvements, un nouveau est à la mode en cette année 68, le Black Panther Party. Fondé 2 ans plus tôt à Auckland, nourri autant d'influence marxiste-léniniste que de nationalisme, ce mouvement a d'abord pour objectif de protéger les quartiers noirs des dérives brutales et violentes de la police. Son programme se résume en 10 points où l'on trouve notamment l'enseignement d'une histoire de la communauté noire, un accès gratuit aux soins des habitations décentes, la fin des guerres d'agression, etc. La cinéaste Agnès Varda est l'une des premières françaises à suivre de près ce nouveau mouvement. Elle est présente à Auckland en août 68 auprès des Black Panthers. De cette rencontre naît un film qui donne la parole aux militants de ce parti et à l'un de ses cofondateurs, Percy Newton Huey. Parmi ces militants, on reconnaît les plus actifs à leur béret, leur veste noire et des badges ou des t-shirts avec le logo de la Panthère. Ils font partie, pour la plupart, des groupes de protection qui arpentent les rues des quartiers noirs. Révolutionnaire, sans concession, le Black Party souhaite construire son mouvement autour de plusieurs axes, dont celui de la culture et des mœurs. Tout est politique, des mots à la pointe des cheveux, comme l'explique cette militante, Kathleen Cleaver, devant la caméra d'Agnès Varda. Oh, ça fait 3 ou 4 ans que je me coiffe comme ça. Mais durant ce temps, je suis revenue parfois aux cheveux peignés et tirés. Me coiffer à la naturelle, c'est comme si je montrais ce que je suis dedans. Ça me donne plus de fierté à l'intérieur de moi. Depuis tant et tant d'années, on nous a raconté que seuls les blancs étaient beaux, seuls les cheveux raides, les peaux claires, les yeux bleus étaient beaux. Les femmes essayaient donc de se défriser, d'éclairer leur peau pour ressembler davantage aux femmes blanches. Et les hommes noirs faisaient savoir qu'ils trouvaient belles les femmes blanches et qu'ils ne voulaient pas d'affreuses noires avec des cheveux courts. Tout le truc. Cela a changé. Les noirs sont conscients maintenant que leur propre apparence est belle. Ils en sont fiers. Et les blancs sont conscients eux aussi. Parce que maintenant, les blanches veulent des perruques à la naturelle. Des perruques comme ça. Vous pigez ? Est-ce que c'est pas beau, ça ? En cette année 68, être noir devient une fierté. On met en avant les peaux sombres, les cheveux crépus, les habits et tissus venus d'Afrique. Les corps, les vêtements, l'apparat deviennent des slogans, des tracts ambulants. Comme le chante James Brown, « Say it loud, I'm black and I'm proud of it ». Dis-le bien fort, je suis noir et j'en suis fier. they go this time. Jim Ryan's got a good one, and also going well there is Mel Pinder. It's Mel Pinder, America, that is Miller, and Miller is going well. And what a finish is it going to be? And Hines comes through. Hines wins his second Jolly Green, and look at the time there. Inside the world record pending at 9-9, and Jim Hines takes the gold medal. Octobre 1968, Stade Olympique de Mexico. Lors de l'épreuve reine du 100 mètres, l'athlète noir américain Jim Hines, né à Oakland, la même où le Black Panther Party a vu le jour 2 ans plus tôt, remporte le 100 mètres en moins de 10 secondes. Il était l'un des participants de la campagne de boycott des Jeux lancée par les athlètes américains noirs 1 an avant la compétition. Alors, dans les tribunes de presse, on attend avec curiosité la remise de médailles. Va-t-il faire un geste ? Eh bien non. Rien à signaler. Tout se passe comme prévu. Hines repart décoré, sans sortir du rang. Pourtant, au village olympique, quelque chose se trame. Dès le premier jour, l'ambiance entre athlètes noirs de tout pays est à la concorde, aux rencontres. Et ce sont les sportifs américains qui ont fait le premier pas en appelant leurs camarades noirs d'Afrique « nos frères ». Ils distribuent des pins, où l'on peut lire « Project for Human Rights ». Sur les pelouses, on voit des athlètes américains en boubou, habits traditionnels africains. Qui la gorge, l'un des journalistes français sur place, raconte l'atmosphère assez étonnante qui flotte ici. Il rencontre notamment John Carlos, l'un des sprinteurs américains. Il le promet, les athlètes de son pays protesteront durant les Jeux. Ah bon ? Quand ? Ah, l'athlète garde le silence. Pour faire événement, il lui faut gagner, cet athlète et à tous les autres, une épreuve, ou du moins monter sur le podium pour attirer l'attention du monde, le temps d'une cérémonie. Eh bien, c'est chose faite lors de la finale du 200 mètres. John Carlos finit 3e. Tommy Smith, lui, remporte l'or. Alors, vont-ils aller jusqu'au bout ou se taire, comme l'a fait Jim Hines la veille ? Ce 16 octobre 1968, un homme le sait avant les journalistes. C'est Peter Norman, 2e de la finale du 200 mètres. Dans la chambre d'appel, en attendant la remise des médailles, il observe les deux athlètes américains qui répètent de drôles de gestes. Tout est pensé, calculé, mais quelque chose semble contrarier les deux hommes. Ils n'ont qu'une paire de gants noirs. Norman se permet alors d'intervenir et de proposer simplement qu'ils se partagent la paire. Voilà. Et c'est à ce moment précis qu'il accepte de mettre un badge Human Project. Quoi qu'il en soit, quand les trois hommes quittent la pièce, Norman, le sprinteur blanc, a accroché ce badge sur sa veste. Les trois hommes sortent du couloir. Tommy Smith et John Carlos tiennent leurs chaussures à la main, un collier de perles autour du cou. Tout doit être porteur de symboles. Les pieds sans chaussures, c'est pour montrer la pauvreté de la communauté, notamment celle des enfants du sud des États-Unis, obligés de marcher pieds nus pour aller à l'école. Le collier de perles autour du cou symbolise les lynchages que subit la population noire. Enfin, pendant l'hymne, tenir le poing fermé, c'est symboliser l'unité et la force. Du peuple noir, beaucoup l'ont pensé. John Carlos dira plus tard qu'il s'agissait en réalité de l'unité des 5 continents, 5 doigts rassemblés et unis. Et pendant l'hymne, à quoi pense-t-il ? Tommy Smith racontera bien plus tard que son premier sentiment était la peur d'entendre le sifflement d'une balle. Puis ce sont des images et des souvenirs qui sont apparus. La barrière au fond des bus qui séparait les noirs des blancs, les refus de certains propriétaires de louer à des noirs, les révoltes de la communauté, les canons à eau et les chiens envoyés par les policiers sur les manifestants. Dès la fin de la cérémonie, dans le bâtiment 11 du village olympique, celui de l'équipe américaine, le temps est au pourparlers et au débat. Le geste n'a pas du tout été du goût du président du CIO, Avery Brundage, connu pour ses orientations très réactionnaires et pour qui, au JO, l'important c'est de participer et de se taire. Il demande à la délégation américaine l'exclusion des 2 coureurs, sinon c'est toute la délégation qui sera suspendue. Pendant plusieurs heures, plane l'incompréhension et l'attente. Puis la sentence tombe. Douglas Robbie, président du comité américain, annonce aux coureurs leur renvoi. Il explique ce choix lors d'une conférence de presse. United States Olympic Committee expresses its profound regret. Le comité olympique des États-Unis exprime ses profonds regrets au comité olympique international, au comité organisateur mexicain et au peuple mexicain pour la mauvaise tenue des 2 membres de son équipe pendant la cérémonie de remise des médailles aux vainqueurs du 200 mètres. L'attitude incorrecte de ces deux athlètes viole les principes élémentaires de l'éducation sportive qui est si respectée par les États-Unis. Les deux athlètes en question sont expulsés de l'équipe américaine et par conséquent du village olympique. Nous avons pris des mesures en tenant compte du fait que ce comportement enfantin constitue un cas isolé. Si de tels incidents se répètent, on sera obligé de les considérer comme une atteinte volontaire au principe des Jeux olympiques et dans ce cas, les athlètes en cause seraient sévèrement punis par le Comité olympique américain. Dans le bâtiment de la délégation américaine, la tension est palpable entre les différents athlètes. Dès l'annonce, des bagarres éclatent. Certains sportifs noirs souhaitent accompagner leurs camarades. C'est John Carlos et Tommy Smith qui vont finalement calmer le jeu. Pour eux, l'important c'est de continuer à marquer les esprits en ramenant le plus de médailles possible. Avant de partir, John Carlos aurait prononcé ces mots. « Faites-leur voir qui nous sommes, bordel. Faites-leur voir à tous ces fils de pute de quoi vous êtes capables. Faites des trucs dont on parlera dans 100 ans. » Entourés des caméras et des journalistes, les deux athlètes noirs américains quittent les jeux. Et John Carlos déclare « Quand nous avons levé le poing, nous avons entendu des tas de blancs nous huer. Ils nous traitaient jusqu'à présent de braves garçons. Mais nous ne sommes pas de braves garçons ou de braves animaux qu'on récompense par des cacahuètes. Non, nous sommes noirs et nous sommes fiers d'être noirs. » Aux États-Unis, la réaction est mitigée, comme le raconte Jean-Claude Héberlé, correspondant permanent de France Inter aux États-Unis. Les quelques amis américains noirs que j'ai pu rencontrer depuis hier sont en réalité partagés et la plupart sont quand même favorables à Tony Smith et à John Carlos. Ceux qui ne sont pas favorables aux deux athlètes noirs pensent que le cadre de leur manifestation n'était pas très bien choisi, justement parce que les Jeux Olympiques bannissent les manifestations politiques. D'une manière générale, les blancs américains sont assez mécontents. Ils ont l'impression que leur drapeau et leur hymne national ont été en quelque sorte salis par les deux athlètes noirs. Il est évident que si l'affaire prend de l'ampleur, je veux dire si par exemple d'autres athlètes américains, comme Evans par exemple, qui est en effet un dur, comme le disait Claude Médieu tout à l'heure, décidaient, malgré les signatures, de suspendre leur participation aux épreuves pour réagir contre la suspension de Carlos et de Smith, alors l'affaire pourrait prendre beaucoup plus d'importance ici aux États-Unis et on ne sait pas vraiment comment elle pourrait se terminer. Désormais, c'est du côté des autres athlètes noirs américains que le regard se tourne. Est-ce que d'autres noirs vont suivre l'exemple de Smith et Carlos? Lors de la course des 400 mètres, trois athlètes noirs et américains, Larry James, Lee Evans et Ron Freeman, remportent les trois premières médailles. Lors de la cérémonie de remise, les trois hommes se coiffent du béret noir des Black Panthers. Ils lèveront aussi un poing en l'air, mais ils ne seront pas exclus. À la fin de l'Olympiade, les États-Unis finissent premiers avec 107 médailles, dont 45 en or. Au lendemain des Jeux, c'est ce palmarès que l'on retient. Le geste de Tommy Smith et John Carlos, comme la répression féroce des étudiants mexicains à la veille des Jeux, demeure dans la rubrique des faits divers. Pour les uns comme pour les autres, il faudra que le temps passe pour que ces faits fassent événement et sens. En attendant que l'histoire leur trouve une place, Tommy Smith et John Carlos vivent à distance des pistes. Plus jamais ils ne participeront aux Jeux Olympiques, exclus à vie. Harcelés par le FBI, menacés de mort par les extrémistes de tous bords, ils paieront cher ce point levé. Après un exil en Grande-Bretagne, Smith reviendra à Los Angeles. C'est là-bas que des journalistes français le retrouvent en 1976 et ils ne regrettent rien. Vous savez, les athlètes noirs, pas seulement les athlètes, tous les noirs, on leur a toujours répété « faites ce qu'on vous dit et ne pensez pas ». Has been said in many cases to do things and not think, just react to what people tell them. À cette occasion-là, à Mexico, le monde a vu que les athlètes noirs avaient aussi une cervelle. Black athlete also possesses a brain. This is why I'm very proud of. C'est pour ça que je suis particulièrement fier de ces Jeux olympiques de 1968. Parce que ce n'était pas un mouvement dirigé. Personne ne nous a dit fais ceci, fais cela. C'était une décision personnelle de chacun d'entre nous. An agreement within oneself. Ils ne sont pas les seuls à devoir payer le prix de ce geste politique. Peter Norman, l'athlète australien, le troisième homme de la photo, le blanc, qui avait choisi d'épingler à sa veste le macaron de la discorde, ne sera pas autorisé par le comité olympique australien à participer au JO de 72 à Munich. Lors de ses funérailles, en 2006, Tommy Smith et John Carlos feront le déplacement et porteront son cercueil en signe de reconnaissance éternelle, image émouvante. Désormais, ce point levé fait partie des faits marquants de l'histoire des Jeux qui, tout au long de leur existence, furent une tribune qui permit le temps d'un événement de braquer les projecteurs sur une cause. Ce fut le cas encore en 2008, lors des JO de Pékin. Partout dans le monde, la situation politique chinoise, la question de la liberté de la presse, les conditions de construction des infrastructures olympiques et la répression du Tibet sont redevenus des sujets d'actualité pour tous. Les Jeux auront lieu, la politique, elle, restera tout de même à distance. 40 ans après le point levé de Mexico, en novembre 2008, un sénateur de l'Illinois, un homme noir, Barack Obama, est élu président des États-Unis. Comme Angela Davis, le pasteur King, Malcolm X, Tommy Smith, John Carlos, il a pris pour un temps le relais de cette longue course contre la ségrégation raciale, un mal qui a rongé et ronge encore les États-Unis et d'autres pays que l'on accueille parfois aux Jeux quand ils n'accueillent pas eux-mêmes les Jeux. I was born and raised in the slums of the city. It was a one-room shack that slept in of a chair beside me. We hardly had enough food or room to sleep. It was hard time. Needed something to eat my trouble, man. Listen, my father didn't know the meaning of work. He disrespected mama and treated us like dirt. I left home seeking a job that I never did find. Depressed and downhearted, I took the cloud nine. I'm doing fine up here on cloud nine. Listen, one more time, I'm doing fine up here on cloud nine. Folks down there tell me, they say give yourself a chance, son, don't let life pass you by. But the world of reality of a rat race, where only the strongest survive. It's a dog-eat-dog world, and that ain't no lie. It ain't even safe no more to walk the streets at night. I'm doing fine on cloud nine. Let me tell you about cloud nine. You can be what you wanna be. Cloud nine. You ain't got no responsibility. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les JO de 68 à Mexico et cette image inoubliable des deux points levés. Notre invité, c'est Roger Bambuc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans les studios de France Bleu Périgord, que nous remercions pour leur accueil au passage. Alors, je le rappelle aux plus jeunes de nos auditeurs, vous êtes une grande figure du sport français, ancien recordman du monde du 100 mètres et du 4x100 mètres, 8 fois champion de France, 2 fois champion d'Europe, ancien médaillé des Jeux Olympiques de Mexico, ce dont nous venons de parler, et puis parce que ça fait partie de votre vie publique et de notre histoire, hein, vous avez été, je le rappelle, également entre 1988 et 1991, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Mais on va parler ensemble de Mexico 68. En écoutant ce récit, quels sont les souvenirs qui vous sont venus à l'esprit, les plus forts ? énormément de souvenirs. Vous m'avez fait envoyer une espèce de bouffée qui m'a renvoyé en arrière. Parce que c'était une période extraordinaire pour moi. J'étais juste un petit peu plus jeune que Tommy Smith, une année de moins. Et puis c'était, je savais que j'étais au sommet de mes possibilités. Si je devais avoir une médaille aux Jeux Olympiques, c'était là et à aucun autre moment. Et de voir remuer tout cela, vous avez réveillé beaucoup de pans de ma mémoire. Et par exemple, quand vous disiez que effectivement on sentait remonter une espèce d'ambiance, effectivement on sentait remonter une certaine ambiance. Je vais vous dire, tous les bruits, étant donné que le sport est organisé comme ça, on se met dans une bulle, les bruits arrivent atténués. Mais nous avions entendu dire qu'il y avait les athlètes américains qui voulaient boycotter. Exactement, la réaction était similaire, par exemple, au bruit que nous avons aussi entendu, qu'il y avait un athlète qui passait au saut en hauteur, la barre sur le dos. Donc tout ça, c'était un petit peu du folklore, mais nous étions dans notre tuyau et on ne pensait qu'à autre chose. Et si nous avions à penser à autre chose, faut pas oublier que nous avions subi mai 68. Et il y avait aussi des manifestations hostiles à la participation de la France aux Jeux Olympiques de Mexico, parce que entre autres, les étudiants mexicains s'était révolté contre leur gouvernement et quand nous sommes partis de Toulouse pour aller vers Mexico, il y a eu des manifestants qui sont venus nous dire il ne faut pas aller à ces jeux-là parce que ce sont des jeux qui sont faits en dépit du bon sens, etc., etc. Mais nous n'avions cure puisque nous étions dans notre bulle. Ce qui nous intéressait, c'était manière fort égoïste de faire les Jeux Olympiques et de ramener le maximum de résultats et de médailles. Alors, c'est vrai que les années 60 et 70 étaient des années très politiques et que cette année 68 l'a été encore plus que toutes les autres, et pas seulement en France, on l'a dit. Est-ce que vous avez senti, vous, alors, il y a ce qu'on pense, même quand on est dans sa bulle, on veut pas penser, on est totalement axé sur ses performances sportives, mais il y a aussi ce qu'on ressent. Est-ce que vous avez ressenti une sorte d'atmosphère, d'ambiance, de fraternisation entre les athlètes noirs? C'était palpable ou pas? Oui, c'était palpable parce que, par exemple, dans le village olympique, les athlètes américains et nous-mêmes, noirs en particulier, on était très soucieux de s'appeler « man ». Homme. Et avec le recul, c'était quand même une espèce de reconnaissance et on avait mis, avec cette affirmation, on avait mis le curseur très haut dans l'humanité et non pas simplement une espèce de foucade de jeunes gens qui, pour se reconnaître, s'appellent comme ça. Non, c'était, et moi-même, j'ai participer et puis ça faisait bien de se reconnaître comme simplement homme. Alors, arrive la remise des médailles du 200 mètres, donc dans cette soirée du 16 octobre, historique. Vous étiez où à ce moment-là, vous? Alors, tout ce que vous avez décrit, je ne l'ai pas vu pour la simple et bonne raison que, du point de vue strictement anecdotique, j'étais le seul athlète au monde à avoir participé à toutes les séances de l'athlétisme aux Jeux Olympiques, puisque j'ai fait trois épreuves, le 100 mètres, le 200 mètres, et chacune, et quatre fois 100 mètres, et chacune, il y avait quatre courses à faire. Donc si bien j'allais sur le stade le matin, l'après-midi, et puis ça a réenchaîné le lendemain. Je crois qu'au moment de la remise de médaille, étant donné que j'ai pas eu de médaille, je suis rentré au village olympique le plus rapidement possible, puisque dès le lendemain, j'avais des séries du 4x100 mètres à courir. Et je me souviens même pas l'avoir vu en direct à la télévision. Par contre, après, j'en ai entendu parler, puisque, comme vous l'avez très bien décrit, ça a créé une émotion très très forte. Il y a eu des débats révélateurs de la société sportive de l'époque, la société fédérale de l'époque, parce que dans la délégation française, il y avait pas énormément de ceux qui étaient pour, hein, ah oui. Pour pas dire en dehors de moi, non, la réprobation était quasi unanime, puisque vous l'avez souligné également, le sport était exclu de toute réflexion politique. Oui. On n'avait pas le droit, on n'avait pas la possibilité de prendre position ni d'un côté ni de l'autre. On devait penser sport et exclusivement sport. Les quelques-uns qui le faisaient, c'était de ceux qui avaient peut-être une sensibilité politique à l'extérieur de leur activité sportive. À l'époque, le problème, c'était plutôt de savoir si on était communiste ou pas communiste. C'était la grille de lecture, vraiment. Bien sûr. C'était la grille de lecture à l'époque. Mais cette question humaine n'effleurait pas l'esprit des uns et des autres. Et je me souviens avoir discuté avec certains athlètes de la délégation française qui reprochaient à Smith et à Carlos d'avoir ainsi manifesté. Je leur dis, mais écoutez, la manifestation qu'ils ont faite, c'est une manifestation humaine. Ils ont mis en place, ils attirent l'attention du monde entier sur la situation qu'ils vivent, qui n'est pas une situation politique, c'est une situation humaine. Malgré ces arguments, ils ne comprenaient pas très bien la raison pour laquelle il y avait ça. Alors, vous avez omis de noter que ça avait été dénigré, cette manifestation. Par exemple, on a dit oui, c'est parce que on n'avait pas voulu, les autorités sportives n'avaient pas voulu homologuer un record qui avait été établi par Tommy Smith avec des pointes non homologuées qu'il manifestait, alors que ce n'était pas cela du tout. Il s'agissait d'un appel, d'un cri, disant « Voilà, nous sommes des êtres humains, nous devons être traités comme tels. » Bon, alors, dans cet état d'esprit aussi de non-compréhension ou de refus de comprendre, il y a aussi le comportement d'Avery Brundage, qui était le président du CIO, on le disait, très réactionnaire. Bon, c'était pas mieux après, d'ailleurs, avec sa marange, mais enfin, bon... Quel était le comportement de... Avery Brundage était, comme Monsieur Samaranch, était dans la lignée des présidents du comité olympique, des comités olympiques, parce que n'oubliez pas que depuis Pierre de Coubertin, le recrutement des présidents du CIO se faisait parmi l'aristocratie, des gens qui sont loin de tous les problèmes des problèmes humains, autres que ceux de la race blanche. N'oubliez pas que le comité olympique international a fermé les yeux sur les jeux anthropologiques qui se sont tenus en 1904 à Saint-Louis, où des organisateurs malicieux avaient organisé des compétitions pour tout ce qui n'était pas blanc. Et en ridiculisant les Noirs, les Indiens, les jeunes dans des épreuves, et le comité olympique était au courant de cela. N'oubliez pas que il a fallu attendre les Jeux olympiques d'Amsterdam pour que les femmes soient admises aux Jeux olympiques. Et Pierre de Coubertin lui-même tenait des propos très... très très sévère, très très sexiste à propos de l'accueil, l'acceptation des femmes aux Jeux Olympiques. Pour lui, une femme, ça devait rester au foyer, s'occuper de ses enfants, et non pas tout. Mais la défense de Pierre de Coubertin, c'est qu'il était dans l'air du temps. Oui, c'est ça, c'est quand, une dans les années époque. 10, voilà, quand dans les années 10, on disait tout cela, mais oui. Il a été celui qui, quand même, a ouvert la porte aux femmes dans les années 20. Concernant les athlètes noirs, cette ségrégation a perduré pendant longtemps, et vous avez eu raison de souligner que le boycott de l'Afrique du Sud, où il y avait vraiment une situation intolérable au XXe siècle concernant la reconnaissance de l'appartenance à au genre humain d'une catégorie de personnes. Le combat a été dur. Le combat était ambigu également, parce que faut pas croire que tous les comités olympiques africains participaient joyeusement à cette idée de boycott. Non, il y a toujours eu derrière un calcul politicien de gestion de carrière et autre chose. Ce qui peut se comprendre d'ailleurs. Ce qui peut se comprendre un peu, souvenez-vous des footballeurs français de l'équipe de Michel Hidalgo, lorsque ils ont été qualifiés pour la Coupe du Monde en Argentine, ils ont eu des pressions énormes. Ici en France, alors on disait, mais on voulait quand même pas jouer chez des dictateurs fascistes infréquentables. En même temps, ils avaient leur carrière à faire. C'est vrai que c'est une situation compliquée. Il faut le comprendre aussi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et la remarque que vous venez de me faire, elle était très minoritaire. Il faut bien l'avouer. Parmi le monde qui était proche du sport, dans le journal L'Équipe, par exemple, personne ne disait il faut pas aller en Afrique du Sud, en Argentine. Lorsqu'il s'était agi de boycotter les Jeux Olympiques de Moscou, ce même journal ouvrait ses colonnes très largement à tous ceux qui étaient pro participation et ouvrait avec parcimonie ses colonnes à ceux qui étaient contre sans se poser d'autres questions que que le sport est sacré, parce qu'il faut pas oublier une chose quand on veut définir le sport et les Jeux Olympiques, on dit que c'est une approche religieuse, et à partir du moment où on emploie ce mot religion, on ne touche pas au dogme de la religion. Absolument. Et la politique qui est inscrite dans le siècle, puisque ça regarde la situation des gens ici et maintenant, n'est pas compatible avec ces dogmes religieux. Nous avons chaque jour la preuve quand on veut observer les choses du sport. Alors, on va écouter une archive ensemble, Roger Bambuc. La controverse a duré 2 jours, après les points levés, et puis le sport a repris ses droits, comme toujours, le show must go on. Et puis le geste de Smith et Carlos mettra lui aussi du temps à s'imposer dans les mémoires de cette année 68, comme ce fut le cas d'ailleurs pour la répression des étudiants mexicains quelques jours avant le début des Jeux. Il permet en tout cas de s'interroger sur la situation des Noirs aux États-Unis, mais aussi, ça c'est important, en France. On va écouter un extrait d'un entretien que vous aviez accordé à Jacques Chancel. Alors c'était en décembre 68, soit 2 mois après votre retour des JO, et c'était dans son émission célèbre Radioscopie. Ce problème ne se pose qu'aux États-Unis. En France, il n'y a pas ce racisme. Le racisme qui existe en France, parce qu'il faut quand même voir les problèmes avec beaucoup de sérénité, et c'est sans parti pris, sans passion. Il existe, vous allez peut-être me démentir si je me trompe, il existe du racisme en France. Mais pas au stade de préjugés comme il l'est aux États-Unis. Aux États-Unis, dans certaines familles, d'emblée, quand un individu s'amène et qu'il soit noir, quoi qu'il fasse, quelle que soit la valeur qu'il a en tant qu'individu homme, sa valeur n'est pas reconnue. En France, il y a des préjugés, qui existent des préjugés. J'entends beaucoup de familles dire, voire même des filles, peut-être crues, ce que je veux vous dire, des Françaises même. Il est très bien ce noir, par exemple, très bien, c'est un type excessivement beau et tout, mais je ne ferai pas l'amour avec un noir. Et plusieurs fois, je l'ai entendu dire, ou alors, de la part de parents, je suis pas raciste, mais je ne voudrais pas que ma fille épouse ni un juif ni un noir. Vous vous souvenez de ça, bien sûr, j'imagine, Roger Bambuc. Une belle voix, hein. une belle voix très douce que la personne qui a parlé. En tout cas, oui, je me souviens très bien de cette émission avec Jacques Chancel, et pour l'instant, je n'enlève rien. Ça peut se mettre dans l'actualité. Pour faire de l'humour, on pourrait simplement nous dire pourquoi les Juifs. Alors vous étiez, moi ce que je remarque aussi, c'est que vous étiez très jeune à l'époque, un sportif de haut niveau est toujours très jeune, et que des sportifs et jeunes qui avaient une vision du monde, parce que voilà, vous étiez là en dehors du sport, il n'y avait pas beaucoup à l'époque. Cet aspect du sport totalement intégré dans le monde, c'est une de mes caractéristiques. Je n'ai jamais considéré que le sport était totalement exclu du monde. Le sport était dans le monde. Bien sûr. D'où l'intérêt pour ces questions visant à tout élargir, pour souligner, mais également pour prendre de la distance, parce que il faut pas avoir une approche réductrice des problèmes que l'on rencontre dans le sport et dans la société. Le racisme, il existe. Il faut le comprendre comme étant une espèce de manifestation de l'ignorance des uns et des autres, une manifestation aussi de la protection, entre guillemets, que l'on peut avoir. Et la meilleure manière de lutter contre, c'est de ne pas l'être soi-même, première chose. Et deuxièmement, de le remettre à sa juste place, celle de l'ignorance. Roger Mambuc, on va terminer en écoutant la voix de Tommy Smith, qui est quand même le héros, hein, de cette histoire. Enfin, ils sont deux, mais notamment lui. Et il a vu partir vivre un moment en Grande-Bretagne. Il a eu une importante traversée du désert. On va l'écouter un extrait de l'interview qu'il avait donnée en 1972. Donc ce que j'ai fait sur le podium n'était pas pour moi. C'était pour le peuple, pour ceux que je représentais. C'était bien plus qu'une course. Toutes les nations étaient là, on m'a demandé, Tommy, pourquoi vous n'avez pas fait cela à Los Angeles? Parce que les yeux du monde étaient tournés vers Mexico. C'était le cas, c'est pour ça que cela a été fait là-bas, pour que toutes les nations nous voient. Nous sommes tous des êtres humains avec nos opinions différentes. Et lorsque vous parlez des droits de l'homme, vous parlez des êtres humains, pas seulement dans votre pays, mais dans des pays différents, et nous devrions tous avoir les mêmes droits. Mais pour revenir sur la question, pourquoi l'athlète noir, c'est parce que nous croyons que dans notre pays, il y avait un problème, un grand problème, et il s'appelle l'égalité. Et c'est la raison de notre geste sur le podium. Les jeunes générations d'aujourd'hui ne savent pas combien c'était important de se sentir libre, d'être entendu et pas seulement vu. À cette époque, nous étions vus, mais pas entendus, lorsqu'il s'agissait des Jeux Olympiques. Voilà, ce sera le mot de la presque fin. Évidemment, il ne regrette rien. Évidemment, il sait la portée de son geste maintenant, et c'est fort. Et il l'a payé très très cher, oui. Puisqu'il a été sanctionné, il aurait pu faire de bien meilleures études qu'il n'a faites. Il ne les a pas faites à cause d'une chose, c'est que une médaille olympique permet aux athlètes noirs ou d'extraction modeste de rentrer dans les universités. Et malheureusement pour lui, il ne l'a pas fait. C'est pénalisant. On va tout de suite conclure, Roger. Voilà. Alors très très rapide, parce qu'on est vraiment à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous vouliez me dire, quoi ? Oui, je voulais vous dire que Carlos et Smith ont pris leur décision après avoir quand même consulté les autres. Et Jim Hines, par exemple, n'était pas favorable à ce genre de manifestation, parce que lui, il voyait les conséquences pour sa carrière. Et c'est pour ça qu'il n'a rien dit quand il a reçu la médaille. Je vous remercie infiniment, Roger Mambuc. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les JO de Mexico, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Demain, ça sera la fiction, elle sera consacrée à François Giroud et sa vie express. Bonjour Elsa Boublil. Bonjour Fabrice. Alors qui aujourd'hui, la question rituelle? Ah qui? Christiane Taubira, voilà, qui sera là dans quelques instants. Oui, je vous surprends, c'est bien. On connaît ses goûts pour la littérature, moins pour la musique. Et pourtant, je peux vous dire qu'elle est très calée. Donc on a une heure pour pouvoir parler d'elle à travers ses goûts musicaux. On va découvrir tout cela. Merci Elsa, à tout à l'heure.